Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Méditerranée. C'est Fred Cominatia qui vous accueille encore une fois sur l'émission Le Son de l'Underground, 17h-20h. Encore une fois, nous sommes confinés, donc ceci étant un enregistrement de mon home studio de Fréjus. Mais bon, ça nous permet de rester connectés quand même et j'espère que ça me permet aussi et vous permet de voyager un petit peu, de sortir un peu de nos contextes confinés. On a fait 2 semaines avec du spécial Good Vibes et on va continuer. Je vais vous présenter un mix de 3 heures de Good Vibes Tech House. Donc je me précise sur la Tech House. Voilà, pour vous montrer les différentes facettes du Good Vibes, mais vraiment en profondeur, thème par thème. La première émission, il y a 2 semaines, était un composite de hip-hop, de Tech House, de House, de Techno, différentes choses. La dernière, c'était Nu Disco, Nu Funk. C'était une dédicace au Trompa, à Seb, qui adore ça. Et je pense qu'il a vraiment kiffé en mode Studio 54. Mais bon, on en parlera quand on sera déjà un petit peu plus au courant de ce qu'on fait cet été. En tout cas, je ne vais pas continuer à vous parler des festivals, pas des festivals, parce que là, vraiment, on ne sait rien du tout. Si vous êtes amateur de musique électronique, allez voir un petit peu, par contre, chez les distributeurs en ce moment. Sur internet, les tracks sources et autres. Il y a beaucoup de morceaux parce que tous ces artistes qui n'ont pas de scène en ce moment essayent quand même de survivre et ressortent des vieilles pépites ou des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de choses à voir si vous êtes à la maison, que vous ennuyez de toute façon. Vous pouvez vous passer 1 ou 2 heures à regarder les bacs des distributeurs de musique et de petits labels en ce moment. Il y a des pépites. Voilà, donc écoutez, on va commencer quoi. On va se faire plaisir. J'espère que ça se passe bien pour vous. Surtout, restez en tout cas tranquille et essayez donc de passer le temps sans trop tomber dans la déprime. Hein. Et donc, on va faire de la musique Good Vibes et on commence direct. Donc, Bateu, c'est parti. Thank you. We'll Flieg mit mir, Gedanken um die Welt. Es ist gar nicht so weit. Das Nordlicht zieht dich magisch an. thousand souls, a new home right on the floor, in tune together, no matter where you're from. Keep silent now, a new home right on the floor brings peace to my heart and love into a soul. A thousand souls, a new home right on the floor, in tune together, no matter where you're from. always trying to cash in. Fresh nails and a new hairstyle. She in the club and she's so wild. She be acting like she's all alone when she's in the zone, waiting for another to take her home. Thank you. wanna stand back and watch it grow and see where it goes, you know? And it always surprises me every day. Thank you. red composite parts. Spare the maker. Begin again from the start. Not knowing what will be. Shattered composite parts. Spare the maker. Begin again from the start. Not knowing what will be. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Breaker, breaker. Breaker, breaker. How the beast will grow. Bank rolls and hoes, you know what I'm saying?